Alors, je suis en ligne avec mon premier invité. Bonjour, invité. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, je vais demander juste aux auditeurs si ils peuvent me confirmer qu'on entend bien notre invité. D'accord. Est-ce Bon. que vous voulez que je dise quelque chose en particulier? Bah alors, je veux bien que vous vous présentiez. Alors, je donne mon identité, très bien. Donnez Du votre coup, identité, oui. je m'appelle Alaric Legray. J'habite à Varade. J'ai 27 ans dans 3 jours et je suis confiné comme tout le monde depuis je ne sais plus combien de jours. J'aime bien les informations que vous donnez notamment le fait que votre anniversaire est dans 3 jours. C'est ça, tout à fait. C'est le 27 avril, le jour de la Sainte Zita. Sainte Zita. Voilà. Oui, voilà, c'est très très charmant comme fête. Et je prendrai, du coup, si je ne me trompe pas, si les calculs sont bons, je prendrai 27 ans. 27 ans. Alors, Alaric, Alaric, vous étiez au lycée Joubert. Tout à fait. C'est là que vous avez rencontré la plupart des bons cons, je dirais. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de bons cons à Joubert. Tout à fait. Et donc vous faisiez partie d'une tribu, j'aime appeler ça la tribu des Epsilon. C'est ça. Alors c'était toute une confrérie en fait Une confrérie, c'est à ça. l'origine. Hein. Voilà. Si je vous en dis plus, c'était de l'initiative conjointe avec Quentin, hein, Quentin Boiteau, que je pense que la plupart des bons cons connaissent forcément très bien. Voilà, qui a été fondée en du coup, si je ne m'abuse, en 2009, fin de l'été 2009. Voilà. Chez Mallory Duhamel, pour les vraiment les connaisseurs très spécifiques. Voilà. Alors, il y a des questions. Vous connaissez le Discord, bien sûr. Vous avez déjà écouté un petit Oui, peu la radio des bons cons. tout à fait. Alors j'ai écouté pas mal la radio des bons cons au début, hein. Forcément, je dois avouer que j'écoutais plus au début. Malheureusement, mon activité professionnelle m'empêchant un petit peu de l'écouter dû à un manque de concentration, hein, bien évidemment. Du coup, j'ai dû arrêter. Mais oui, je connais tout à fait. Je fréquente quelque peu le Discord. Alors oui, donc en parlant du Discord, c'est vrai que vous êtes actuellement connecté sur le Discord, c'est incroyable. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, j'évite de lire les commentaires pour essayer de ne pas trop perdre pied, hein. Vous Oui. voyez, c'est pas forcément toujours un exercice facile. Oui. Donc, oui, je vois tout à fait. Je suis connecté sur le Discord, effectivement. Alors, il y a Douglas Wilson qui demandait du coup de nous parler des Epsilon, mais c'est chose faite. Il demande si c'était une secte. Alors, effectivement, il est arrivé que bon, on nous considère ainsi. Hein, nos détracteurs au début nous ont rapidement traité de secte, ce qui n'était pas chose facile. Il faut avouer qu'on avait quand même des pratiques assez particulières. On se réunissait dans la maison d'un des confrères Moussa, hein, par son nom, qui était bon une maison en campagne assez particulière dans laquelle nous faisions quelques cérémonies. Voilà. Mais je ne peux pas vous en dire plus sur le sujet. Voilà, vous D'accord. comprendrez. Oui, bien sûr. Et il demande également s'il y avait des sacrifices humains. Alors non, pas à ce que je sache. Même si on y a pensé, mais c'est, enfin, techniquement, c'est un peu compliqué. Voilà. Enfin, faut avouer que c'est spécial quand même. Hein. Oui. Voilà. Voilà, tout ce que je peux vous en dire. Hein. Alors dites-nous, Alaric, que faites-vous dans la vie et est-ce que vous faites toujours cette activité pendant le confinement? Alors oui, alors tout à fait. Alors du coup, je suis développeur web. Là, ça va devenir un petit peu plus, voilà, hein, on va raconter sa vie en détail. Donc, je suis développeur web depuis maintenant environ 6 ans. Voilà. Donc, c'est de l'informatique, hein, ça consiste à développer des applications. Je travaille pour une société à Nantes, voilà, pour laquelle nous travaillons encore en télétravail. Et ça se passe plutôt bien. Voilà. D'accord. Vous me parliez de chômage partiel, non? Oui, alors tout à fait. Donc j'ai une baisse d'activité ces 2 semaines en cours parce que en fait du coup la société souhaite se préserver un petit peu et du coup éviter voilà qu'il y ait trop de dépenses parce qu'on est un peu au jour le jour, enfin pas forcément au jour le jour, mais vous voyez comme toutes les entreprises la baisse d'activité fait qu'on ne peut voilà voir trop loin non plus. Donc on préfère être en activité partielle pour ma part. Voilà, il y Oui. a certains de mes collaborateurs qui sont en chômage partiel total et moi je suis à mi-temps. D'accord. Et alors, comment se passe votre confinement? Où êtes-vous? Avec qui? Eh bien, mon confinement se passe à mon domicile, à Varade, du coup, avec ma conjointe, Marion. Et nos animaux de compagnie, alors on en a pas mal. Nous avons trois poules qui se prénomment tout d'abord Benny. C'est une poule de soie noire. Nous avons Indigo qui est une poule pondeuse blanche. Alors je n'ai plus le nom de l'espèce. Et nous avons Rôti, la petite poule Rôti qui est une poule rousse. Voilà. Voilà. Nous avons aussi deux chats, Mina et Spiro, qui sont deux chats récupérés à la SPA il y a Très maintenant bien. 4 ans. Voilà. Qui ne sont pas très téméraires, qui sortent peu. Et nous avons Pipa, la fameuse Pipa, qui est une galga espagnole. C'est un lévrier espagnol que nous avons adopté depuis qu'on a été récupéré, qui venait d'Espagne en décembre, qui est une petite chienne d'un an environ. Voilà. Et celle-ci nous fait pas mal de mésaventures. Voilà. C'est moins simple avec elle, on va dire. Oui. C'est un. Vous auriez une petite anecdote peut-être à raconter? Eh bien, aujourd'hui, voilà, on y arrive, hein, comme quoi les choses, elles n'arrivent jamais par hasard. Aujourd'hui même, alors que ce n'était jamais arrivé, elle a vu un chat dehors. Donc moi, prenant la bonne idée de me dire, tiens, elle va voir un chat, il faut l'habituer au chat du voisinage, on va la laisser sortir, le chat est sur le bord du mur, ça devrait bien se passer, le chat va avoir peur, elle va être contente, et voilà, comme ça, il n'y aura pas de souci après, le chat, je me doutais qu'il n'est pas revenu. Et bon, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, hein, forcément. Le chat, pris de panique, a longé le mur qui entoure notre maison et a décidé de passer finalement de l'autre côté, de ne plus être visible, et le chien a décidé de le suivre. Ce qui fait un mur d'1,80 m, donc vous avez votre chien, vous imaginez, avoir un chien qui passe par-dessus le mur chez vos voisins que vous ne connaissez pas encore, c'est une situation très agréable. Voilà. Donc je m'étais retrouvé debout sur mon mur en pierre à hurler à mon voisin d'en face si je pouvais venir récupérer mon chien. Voilà. C'était des choses très très agréables, surtout en plein confinement, pour respecter voilà les distances, c'était idéal là. Et donc c'était aujourd'hui même. Oh Aujourd'hui même, là juste avant de, juste, on était en plein déjeuner, hein, pour le dire, donc forcément l'appétit était un petit peu coupé. Mais Et qu'est-ce que vous mangiez? Par simple eh bien, qu'est-ce que, curiosité, par eh simple bien, alors, curiosité. eh bien, nous mangeons un mets délicieux. En fait, nous avons fait des asperges cette semaine, parce qu'il y a des petites, voilà, c'est la saison, hein, et on a été récupérés par nos très charmants voisins des bottes d'asperges. Et en fait, ils vont récupérer chez des agriculteurs. Locaux, voilà, et du coup on n'avait pas forcément l'habitude d'en manger parce que forcément c'est un peu cher et pas hyper bon, et du coup on en avait acheté, du coup contraint d'en manger, on s'était fait des petites quiches avec le reste, on s'est fait un petit velouté d'asperges, donc on a Un mangé du velouté? colin au, oui, un velouté, C'est incroyable! c'est incroyable, C'est oui, tout incroyable à parce que, fait. Et excusez-moi si je peux me permettre, j'ai mangé exactement la même chose hier soir. c'est comme, mais c'est je vous le disais, hein, rien n'arrive par hasard. Non C'est waouh. mais, et j'ai Ah, également acheté les asperges à un petit producteur local. mais c'est extraordinaire. Waouh, je suis sans voix. C'est le cosmos, je pense. C'est Il y a la quelque radio chose des dans bons ça. cons. Je pense, voilà, c'est ça. Il y a une espèce d'unité qui est impalpable et extraordinaire. Donc voilà. Donc voilà, petit velouté d'asperges. Oui, exactement, avec filet de colin Oh. surgelé de grande qualité, hein, bien évidemment, et son riz. Hein, je pense que nous avons les derniers grains de riz de Varade. Hein, Ah. il faut le dire, il faut pas avoir peur de le dire. Je pense qu'il nous manque de riz. Voilà. D'accord. Et de pâtes, vous êtes des mangeurs de Alors, pâtes? les pâtes, nous n'avons encore pas compris trop le concept, étant donné que nous n'avons pas mangé beaucoup de pâtes depuis le début du confinement et qu'il n'y en a plus nulle part. Donc, je me suis dit qu'il y avait des gens qui devaient avoir très très faim. Voilà. Alors, Alaric, je reviens un peu sur les questions sur le Discord. Alors, toujours Douglas Wilson, toujours à propos des Epsilon, j'ai Oui. entendu parler d'une confrérie adverse 100% féminine. Avez-vous plus d'informations? Alors, malheureusement, non, je m'en souviens pas. Ça devait être vraiment rien, quoi. Vraiment pas grand-chose. Il y avait eu un moment beaucoup de, voilà, de jalousie, hein, forcément, dès qu'on fait des choses bien, hein. Donc, voilà. Non, non, non, je ne me souviens pas, en tout cas. Il y avait des individus, certes, accoutrés avec des bandanas, mais alors là, de là à dire que c'était une sororité ou chose comme ça, je n'en ai pas de souvenir, non. Alors, toujours notre cher Douglas Wilson, est-ce envisageable de développer une application pour la confrérie Epsilon afin que l'on pour qu'ils puissent organiser leur messe noire? Alors, c'est tout à fait envisageable, c'est vrai. Je pensais à le nommer messenoir.com. Après, niveau discrétion, on n'en est pas hyper là, mais tout à fait, oui, c'est envisageable. Je pense que ce cher monsieur Douglas peut, voilà, s'il a des recommandations à faire, me contacter en message privé via Discord. Ce Voilà. serait, ça prendrait combien de temps environ de créer une application comme ça? Alors, une application comme ça, c'est-à-dire sans contour, je ne peux pas vous dire. Hein. C'est vrai D'accord. qu'une application comme ça, vous imaginez bien, si je vous demande de faire ça comme ça, vous allez me dire, bah, je ne sais pas. Oui, c'est Voilà. vrai, c'est un peu Mais bête comme question. je comprends tout à fait le sens de cette question. Après, voilà, tout dépend des fonctionnalités. Voilà. Après, Après, voilà. Alors, comment vous occupez-vous pendant ce confinement? Quelles sont vos activités? alors, mes activités, eh bien, majoritairement, bon, il y a le travail forcément, mais après, ça va être du jardinage et du coup, m'occuper de mes animaux de compagnie. Hein, voilà, c'est plutôt sympathique. Avec Marion, nous faisons beaucoup de jardin. Nous commençons à faire des semis, à planter, à délimiter notre terrain. Du coup, rajouter aussi du grillage pour éviter que notre chère petite Pipa décide encore une fois de s'en aller, ce qui pourrait être désagréable aussi. En autre activité, je joue un petit peu, hein, il faut avouer. J'ai fait l'acquisition, tel un adolescent, d'un volant pour PC, hein, voilà, pour conduire des voitures sans ordinateur. Hein. Voilà, hein, vous voyez, on fait ce qu'on peut. Je fais des tours de mobylette aussi dans mon jardin. Voilà, Très c'est mes bien. petits péchés un petit peu, voilà, secrets que je veux bien vous divulguer quand même. Hein. Oui. Alors, concernant votre potager, vos semis, tout ça, qu'est-ce que vous nous préparez de beau? Alors, eh bien, alors c'est Marion qui s'en occupe majoritairement. Enfin oui, moi je me tire souvent la couverture, mais c'est souvent Marion qui fait. Nous avons des plants de courgettes. On en a déjà mis 6, je crois, et j'en ai encore 10 sous les yeux. Donc on va manger de la courgette. Et nous avons aussi pas mal de tomates. Hein. Voilà, tout simplement les plants en préparation. Hein. Nous avons aussi de la salade. Et après, nous mettrons des pommes de terre. Voilà, on va rester sur des choses simples, Oui. pas trop compliquées à cultiver, à mettre en place pour un premier jardin de cette année. Donc, on essaie de se mettre à la permaculture. Donc, on va faire nos premiers essais. Voilà, avec tout ce que ça engendre, la permaculture, la cohabitation de plantes avec d'autres, le paillage, ces choses-là. D'accord, très bien, mais c'est une très belle initiative en tout cas. Merci, merci. Je vous en remercie. Et il me semble que Marion nous écoute et je pense qu'elle sera très contente de ces félicitations, on va Bien, dire. on l'embrasse, bien sûr, on l'embrasse. Si elle nous écoute. Oui, Qu'est-ce que je... mais il me semble que oui. Ah, alors, oui, c'est très intelligent de commencer en douceur le potager, parce que moi j'ai quelqu'un à la maison qui fait un potager, mais qui commence avec tout en même temps, quoi. C'est vraiment, D'accord. il y a, dans la chambre du fond, nous avons je sais pas, 50 semis de tomates, de courges, de melons, de trucs, enfin c'est incroyable, ce n'est pas possible de s'en sortir. C'est vrai que ce n'est pas possible de s'en sortir, mais je vais vous dire, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Après, voilà, hein, tout dépend jusqu'où on veut aller, mais si on a le temps et la motivation, autant aller jusqu'au bout de nos projets. N'est-ce pas? Alors, Alaric, on a une question pour vous de la part de Oui. Corolla. Alaric, où en est ton Oui. esprit punk? Où en est mon esprit punk? Eh bien, c'est une bonne question. C'est vrai que je me fais un petit peu peur quand je vous parle comme ça. L'eau a coulé sous les ponts, mais je reste toujours dans le mouvement et dans la scène. Hein, si, voilà, pour être très précis, j'ai toujours un groupe de punk rock qui s'appelle Way Too Long. On fait pas beaucoup de répétitions en ce moment. C'est un groupe de punk rock basé sur Angers. Cette année, c'est une terrible année car nous devions aller au Punk Rock Holiday qui est en Slovénie. C'est un festival qui est très très bien. Je pense que les connaisseurs de la Slovénie savent que dans cette région, à Tolmin, il y a beaucoup de festivals. Il y a des festivals de reggae, d'électro, de metal et de punk rock. Et du coup, on devait y aller pour deuxième année. Et ce n'est pas non plus le seul concert voilà, de punk rock que nous devions aller voir, que nous n'allons pas pouvoir aller voir. Je crois que nous sommes déjà à 6 concerts d'annulés depuis 2 mois, je crois. Voilà. Donc j'ai du mal à me remettre, j'ai la gorge un peu nouée quand je parle, mais voilà. Ouais. Bah, c'est une mauvaise année pour la C'est musique. vrai. C'est difficile. Ouais. On espère que peut-être vous serez reprogrammé pour 2021. Oui, tout à fait. En plus, cette année, nous devions jouer, voilà, pour la scène exclusive que nous n'avons même pas pu faire la promotion, nous devions jouer au festival off du Hellfest. Et du coup, ça Oh. n'aura pas lieu. Donc, c'était une belle vitrine que nous avons loupée. Et voilà, Mince. c'est tant pis. Bon bah vraiment, on vous souhaite que 2020 soit une meilleure année pour vous. Oui, ben, on l'espère aussi. Et puis, rien que même en tant que spectateur de toutes ces belles choses, que ça revienne rapidement à la normale, ça serait souhaitable. Voilà. Alors, est-ce que vous auriez un petit mot à faire passer, une petite dédicace? Alors, j'ai une dédicace d'abord à tous les bons coins, hein, forcément. Ça me fait vraiment plaisir et je suis honoré d'être invité dans cette émission. Ça me fait penser que je dois quand même saluer quelques Epsilon. Hein, je crois avoir vu quelques-uns déguisés derrière des questions. Mais voilà. Et aussi, il me semble que j'ai quelques amis qui ont peut-être joué le jeu. Ils sont venus découvrir la radio des bons coins avec cette invitation. Donc, je les salue aussi. Très bien. Alors, vous avez sélectionné une chanson à Alaric. Oui, tout à fait. Si je peux présenter, j'ai choisi Miss You de Blink. Hein, voilà, on va faire le emo. C'est toute cette période lycéenne que cette chanson m'évoque. Donc c'est pour ça que je vous la dédicace à vous tous. Voilà. Merci beaucoup, Alaric. Mais merci Ophélie, c'était un plaisir d'être invitée et ça me remotive à partager et à continuer d'écouter la radio des Ah. bons coins. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, vraiment Merci merci beaucoup. d'avoir. Vous avez vraiment joué le jeu de l'interview et ça, c'est super. Merci, merci beaucoup. J'ai essayé de faire de mon mieux. Voilà, j'ai pris sur moi et ça va mieux. Merci beaucoup. À Merci à vous. bientôt. Au revoir. Merci.